a pompé mon air, ma vie, mon énergie, mon sang, mon âme. Toi qui dis être mon ami et qui au final quand j'ai le dos tourné tu parles. Toi qui rentrais chez moi c'était chez toi, mes parents c'était les tiens. T'étais vicieuse remplie de vices et je ne voyais rien. Oh arrête-moi ta flûte, toi tu veux juste me nuire. Dis-moi quelle toujours su rester poli, ne me pose plus de questions sur ma vie, tu n'es pas de la police. T'es obsédé par moi ou quoi, ça relève de la folie. Folie, folie, folie, folie, yeah. Oh toi, je sais qu'au fond tu ne m'aimes pas. Tout ça j'ai fini par le voir. Victime pour sortir les mouchoirs. Oh toi, grande star de cinéma. Tout ce que tu fais on te fera. Victime pour sortir. C'est la morte. Quand t'avais problème, y'avait que moi qui t'écoutais. Ne me demande surtout pas pourquoi je m'emporte. Ne me demande surtout pas tout ce qui me fait douter. Je t'ai ouvert ma porte, maintenant à qui la faute? Tu pleurais sur mon épaule, toi et moi y'avait pas de secret. Oh quelle est loin la belle époque où on croyait aux vraies amitiés. Oh la jolie, avec toi j'ai toujours su rester poli. Ne me pose plus de questions sur ma vie, tu n'es pas de la police. T'es obsédé par moi ou quoi, ça relève de la folie. Folie, folie, folie, folie, yeah. Toi, je sais qu'au fond tu ne m'aimes pas. Tout ça j'ai fini par le voir. Victime pleure, sortir les mouchoirs. Toi, grande star de cinéma. Tout ce que tu fais on te fera. Victime pleure, sortir les mouchoirs. Les poisons dans ma vie c'est fini. Bye bye les poisons dans ma vie c'est fini. Bye bye les poisons dans ma vie c'est fini. Bye bye les poisons dans ma vie c'est fini. C'est fini, bye bye les poisons, dans ma vie c'est fini.